pour le capitaine, décapité. Bonjour, vous écoutez Comment Passons, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le 13e épisode du podcast que j'ai intitulé, va falloir expliquer tout ça, de Do Not Go, faites entrer le réel. Bon, c'est plus ou moins la suite de l'épisode 8 que j'avais pompeusement intitulé l'effraction du réel. Et je vais, dans une première partie du podcast, ne pas parler de texte à proprement parler, ne pas citer de grands philosophes, etc. Notamment parce que, encore une fois, tout ça est très prétentieux de ma part, hein, chaque épisode, de parler des grands auteurs, de grands philosophes, alors que je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Je crois un amour sincère pour ça, et c'est pour ça que je fais le podcast, c'est pas de manière artificielle pour faire le malin non plus, mais c'est plus aussi pour dénouer les propres bordels qu'il y a dans ma tête. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'épisode 8 et qu'est-ce que j'ai fait, qu'ai-je fait dans l'épisode 8 et pourquoi je continue ? Dans l'épisode 8, je trouve que j'ai été très prétentieux, justement. J'ai fait beaucoup de raccourcis. J'ai pas été si honnête avec moi-même. Je suis allé beaucoup trop vite en besogne, même s'il y a certainement des choses à récupérer là-dedans. J'ai voulu, en tout cas, bâtir une belle image une image de l'artiste ou du penseur qui avait, une fois au moins dans sa vie, vu quelque chose de trop grand pour lui. Il avait poussé la porte il avait vu le monde brut. C'est quoi ce monde brut? Il y a plein de littérature, bien sûr, là-dessus, et en philosophie notamment. Le monde sans nos perceptions, finalement, le monde sans tout notre machinerie interne, notre manière de le percevoir. Voilà, les évidences de l'homme, c'est de voir le monde, de voir très bien des objets, une table, une main. On reconnaît en fait, on croit que connaître, c'est toujours reconnaître. On reconnaît une table, c'est une table. On reconnaît un paysage, on reconnaît un lac. Voilà, on a une manière de voir les choses comme ça, on pose des limites. C'est ce qui fait qu'il y a un objet. Il y a un objet à voir, il y a un objet à penser, et puis ça peut être des choses beaucoup plus abstraites. Hein. C'est quoi finalement ces espèces de notions, la liberté, voilà, c'est pas des choses qu'on voit dans le monde, mais c'est des choses qu'on délimite, voilà, l'esprit même, le corps, tout est une manière de concevoir, de penser. On a des attelles, des béquilles, des outils pour penser, mais est-ce qu'on va pas trop loin là-dedans? Bon, dans mon épisode 8, j'avais essayé de montrer qu'il y avait de l'inconcevable, un impensable. Hein. On en a des textes là-dessus. On a même hein, dans l'histoire sans fin, hein, le roman et le film. Je m'étais planté d'ailleurs sur le passage que je vous avais cité. Je croyais que c'était Atreyu et en fait Atreyu n'est pas du tout dans le passage. Comme quoi, les souvenirs des fois se fabriquent un petit peu étrangement. Mais il y a ce néant là dans l'histoire sans fin hein, qui est un truc inconcevable un petit peu, voilà, c'est un truc trop grand pour les... Alors on le représente dans le film, on voit une tempête, on voit des nuages, ça fait un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, la force, le Sauron, quoi, les trucs, les ténèbres qui avancent, bon, c'est un cliché de beaucoup de films, hein, de genre aussi, et puis dans notre représentation, on aimerait bien que le néant, ça soit un peu, oui, un bocal vide, mais non, c'est pas ça, alors on était face à une espèce de truc inconcevable et puis j'ai essayé de vous montrer que Moby Dick dans l'épisode de Moby Dick, comme quoi tous les épisodes que je fais sont très liés un peu au même truc qui me tracasse, hein, mais dans Moby Dick est ce qui échappe éternellement à la compréhension de d'Akab et de tous ceux qui pourchassent, hein, comme des penseurs, hein, comme des philosophes qui essayent d'harponner l'idée fixe et la fugitive. Alors c'est des grands mots, ça fait peur de dire ça, mais on est quand même dedans, hein, les écrivains sont pas des des idiots. Là, je viens pas comme si j'allais vous expliquer tout ça et dire que j'avais vu des choses que Melville ou Van Gogh ou Victor Hugo ou Nietzsche, je sais pas, n'avaient pas vu. Ils ont très bien vu tout ça. Et d'ailleurs Moby Dick, je vous l'avais dit, hein, mais c'est une baleine, mais c'est pas une baleine, c'est un monstre marin, c'est le Léviathan, c'est un truc complètement inconcevable, impensable. Et puis là on pourrait parler de Lovecraft, hein, Cthulhu, qu'est-ce que c'est que ce truc justement qui on devient fou dans Cthulhu, on est toujours le personnage est au bord de la folie, de penser ces choses, d'entrevoir une simple ombre, un reflet, un miracle de quelque chose. Bon, je sais pas si vous avez joué au jeu de rôle de l'appel de Cthulhu, mais c'était assez intéressant à jouer parce que il y avait toujours un enjeu pour sa santé mentale d'essayer de comprendre, soit de lire et d'apprendre, soit de voir des choses qu'on n'est pas censé voir, qui sont au-delà de nos manières de concevoir. Et bon, dans cet épisode 8, j'étais bon, c'était un peu, je sais pas si c'est romantique ou je sais pas quoi, mais c'était un peu trop beau, quoi, un peu trop facile de dire, voilà, le poète, celui qui voit des choses en deçà de ses sensations. Bon, moi, j'aimerais bien revenir un petit peu vers ce que ce serait que c'était. C'est quoi le problème, finalement? Parce que dans l'épisode 8, je pense que ce qui me fait défaut et ce que j'ai trouvé, après, ça m'a un petit peu agacé en moi. Je me suis dit, mais il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de. C'était juste une petite promenade comme ça, mais c'est trop facile. Les choses qui sont à penser portent en elles un enjeu, sinon il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de questions comme ça en suspens, les grandes questions de la vie, les grandes questions de la philosophie, les grands problèmes de la philosophie n'existent pas, en fait. Ça c'est notre manière, c'est l'institution, c'est la culture qui nous présente les choses comme ça, mais les philosophes ne se sont jamais emparés d'un problème. Ils ont fait face, eux, en tant qu'homme, en tant qu'esprit, a un problème. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit. Ils sont pas, c'est pas juste parce qu'ils avaient un contrat avec l'État. Enfin, quand on voit certaines professions des philosophes, et quand on voit les philosophes, même quand on voit dans l'Antiquité grecque, vu ce que ça a coûté à Socrate d'être un philosophe, bon, faut pas rigoler avec ça. C'est des vies incroyables et hors normes. C'était pas des gens qu'on a payés, qu'on a dit, tiens, toi, tu seras philosophe. Ils se sont pas dit, tiens, moi je vais être philosophe, je suis philosophe, je signe ici, je fais ma carte de visite. C'est des choses, c'est comme dans Interstellar, c'est parce que c'était nécessaire, hein, c'était une nécessité. Et le lien n'est pas complètement idiot, parce que dans Interstellar, le personnage principal dit ça quand il essaye d'arrimer son navire, là, son vaisseau, à la station, là, le propulseur, je ne sais plus comment c'est exactement, mais le nom du truc, mais où le robot lui dit, mais ce que tu fais, c'est impossible, c'est pas possible de faire ce que tu vas faire, et il répond, non, c'est nécessaire. Mais parce que, rappelez-vous dans Moby Dick, hein, ce qui échappe éternellement à ma compréhension, pêcher Moby Dick est impossible. Donc, ce que les artistes essaient de faire à chaque fois, ce que les penseurs essaient de faire, en fait, que ce soit en peignant, avec la musique. Alors, la musique, malheureusement, c'est très loin de moi, j'arrive pas à penser quoi que ce soit là-dedans, je suis juste abasourdi, émerveillé, mais j'ai du mal à penser là-dedans. Mais ce que fait un peintre en peignant, ce que fait un écrivain en écrivant, un poète, je ne sais quoi, un philosophe avec son bagage philosophique, ses concepts, la volonté de créer un système, c'est un truc impossible. C'est pour ça que d'ailleurs il y en a 50 000, enfin il n'y en a pas 50 000, mais il y en aurait pour longtemps des systèmes à faire, des peintres, des tableaux à peindre, des poèmes à réécrire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin de l'art, il n'y a pas de fin de la philosophie. Ça n'a pas de sens de dire à donné, tiens, la philosophie, ça y est, c'est fini, il n'y a plus à faire avec. On a fait tous les systèmes qu'on pouvait faire, on a écrit tout ce qu'on pouvait écrire, on a pensé tout ce qu'on pouvait penser. Bon. Il se trouve, le problème, c'est quoi? C'est que dans l'histoire, c'est là où je vais faire des raccourcis, mais je vais essayer de pas faire le... de me poser en savant ou en cultivé. On va pas citer les auteurs. Dans une deuxième partie de cette émission, on fera les choses plus scolairement. Et puis, je mettrai toutes les références nécessaires si vous voulez lire ces auteurs, ces philosophes. Je mettrai les liens. Si vous voulez lire du Kant, du Hegel, du Deleuze, du Pijard sur ces sujets, je vous mettrai les liens et en vous disant le nom. Enfin, je ferai ma petite bibliographie en lien avec ce dont je parle. Il est arrivé un moment dans l'histoire, et j'ai envie de dire, de l'homme à travers les philosophes, c'est-à-dire comme si la pensée de l'humanité c'était à travers les philosophes et d'autres, hein, les auteurs comme Victor Hugo, on en avait parlé la dernière fois dans l'Homme qui rit, c'est ces gens-là qui pensent. En tout cas, qui écrivent, qui en font leur vie, quoi, qui ne se disent pas, tiens, moi, je veux juste profiter du beau temps, être un mec sportif et tout ça, ce qui est très bien, mais c'est pas ce qui, tout le monde qui décide de consacrer sa vie à la pensée, voilà. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on considère comme un artiste, un philosophe, tout ça. Bon, tant pis, je vais brûler des étapes. Peut-être qu'on reviendra un jour là-dessus. Qu'est-ce que la philosophie ? Il y a des très beaux textes là-dessus. Puis qu'est-ce que la littérature ? Il y a de très beaux textes là-dessus. Moi, je me dis, je vois, je constate, je crois constater qu'à un moment dans l'histoire, l'homme s'est mis un peu à flipper sur ses capacités à penser. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où peut-être... Là, je parle pas de l'Antiquité, parce qu'on a souvent une manière de voir, peut-être chez Platon, comme vous savez peut-être, vous avez peut-être des souvenirs de ça, de cette histoire du monde des idées, de la vérité, le beau, le bon, tout ça paraît très, très sûr, très assuré, comme si les philosophes étaient des docteurs en quelque chose, des gourous, et que bon, quand on lit en fait Aristote ou Platon ou d'autres philosophes, on voit bien qu'on n'est pas dans un écrit d'école, c'est pas des textes sacrés, on nous dit pas la vérité c'est comme si, la vérité c'est comme ça. Vu tout le cheminement et l'enjeu qu'il y a dans ces textes, on voit bien que on n'est pas dans la fin du parcours, quoi. Le philosophe n'est pas arrivé à son terme, là, au terme de son système. Il dit le monde est comme ceci, le bien c'est ceci, le bien c'est cela. Mais à un moment donné, dans la philosophie, il y a eu ça. Longtemps après, Platon et compagnie. Il y a eu un peu plus cette assurance, comme si on pouvait gaillardement, je sais plus, de manière brave, noble, comme ça, un peu bourgeoise peut-être, dire ce qui est vrai, dire ce qui est bien et mal et tout ça. Il y a eu ces dérives, on va dire, peut-être que c'était lié à la religion, c'était peut-être lié aux institutions, je pense que c'est surtout ça, pourtant, à un moment donné, ce truc-là s'est mis à... On est vite revenu à se dire, bon, là, j'avais peut-être un peu bombé le torse à vouloir établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences, etc. Et que finalement, ce que j'ai écrit pendant 300 pages, c'est pas tout à fait si simple que ça. Ça montre que tout ce que j'ai pensé depuis, c'est pas si simple que ça. On a voulu designer un petit peu aussi, établir, dessiner l'esprit humain comme une boîte ou plutôt comme une machine dans laquelle il y avait des facultés, qui avaient une fonction, des limites, tout un tas, un rôle, que c'était bien clair, bien défini. Et en fait, même les auteurs même les philosophes qui ont écrit là-dessus, comme ça, au bout d'un certain temps, on sont venus eux-mêmes à avouer dans leur texte que c'était pas si simple. Que on a voulu définir des choses, et puis à la fin du texte, on dit un peu bon, c'est comme ça, mais c'est pas vraiment comme ça. C'est difficile à concevoir tel aspect. Bon, je pense, par exemple, hein, chez Descartes, l'âme et le corps, les, comme deux substances, mais finalement, on arrive au bout et on dit oui, mais l'union de tout ça, c'est l'union du corps et de l'esprit. Bon, c'est inconcevable en fait. Ça marche plus ces histoires de substances. Pareil chez Kant, finalement, cette histoire de facultés, on voit bien qu'à un moment donné, les facultés, ça, on peut plus vraiment les concevoir comme des facultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison, pas d'entendement, pas de sensibilité, mais on voit bien qu'on ne peut pas se satisfaire de voir ça comme des boîtes, finalement, comme si c'était des ordinateurs. On a une manière un peu informatique de voir les choses, là, comme des ingénieurs. Et on découvre plutôt que la raison part en couille, nos concepts sont friables, qui vivent, quoi, ce qu'on a appelé un concept n'est pas éternel à dire une vérité. Et puis, je pense que là, je vous parle. On est censé parler un peu toujours de cette espèce d'effraction du réel, là, du monde brut, tout ça. Bah, ces philosophes, qui sont pas des poètes et compagnie, forcément, s'ils établissent... S'ils essaient d'établir tout d'un coup cette grande machinerie, ce système bien, bien solide, même s'ils n'ont pas tous nommé quelque chose comme étant le monde brut et compagnie, certains l'ont fait, autant de soins et autant de textes et autant, presque d'urgence, qu'il y avait un enjeu vital pour l'homme, pour la pensée, d'établir des systèmes sûrs. Moi, j'ai toujours eu cette impression. Alors là, c'est vraiment... Ouais, du coup, c'est moi, désolé, qu'il y avait cette sensation, enfin, cette expérience des écrivains, des philosophes, que... Il y avait un truc de bizarre derrière tout ça, finalement. On est en train d'établir un système, on décrit quelque chose, on peint quelque chose, mais on n'est pas vraiment satisfait. Tout en le faisant, on sait que ça commence à fuir. Et on sait... qu'il y a quelque chose, comme un monde, qu'on ne voit pas. Et c'est pas une question de magie, c'est juste le monde. C'est pas un ailleurs, c'est juste là. C'est ce qu'il faudrait voir, ce qui serait un peu sous nos yeux, mais finalement qui n'est pas lié, c'est pas la vue, c'est pas le regard, c'est pas... ça ne satisfait pas de voir le monde. Pourquoi j'ai trippé un petit peu là avec mon Do Not Go, c'est parce que j'ai regardé Interstellar un petit peu trop souvent, je crois. C'est marrant parce que la première fois que je l'avais vu, je m'étais dit ouais, ils essaient de faire une sorte de 2001 Odyssée de l'espace, mais 2001 c'est bien mieux et tout ça. Il y a peut-être des problèmes de récit, des ceci, des cela. Je crois que autant dans Interstellar que dans 2001, on essaie bien. Pourquoi on nous fait voir dans certaines œuvres et dans la science-fiction et dans d'autres films ces moments de contemplation. D'ailleurs, il n'y a même peut-être pas besoin de parler d'Interstellar, mais 2001, mais ces grands moments-là de contemplation, il n'est plus question de personnages, il n'est plus question de récits, d'intrigues, d'histoires, on est juste en train de regarder un trou noir ou les étoiles, des galaxies lointaines sous fond de musique classique. Est-ce que c'est vraiment juste un truc, un délire de mec qui fait de la photo et de dire regarde là, ils vont kiffer l'image? C'est peut-être le cas, j'en sais rien. Mais moi, ce que ça produit en moi, c'est cette impression que quand on fait ça, quand on essaie de nous montrer ça, on essaie d'oublier l'homme là-dedans. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand l'homme face aux étoiles, qui contemple les étoiles, c'est un cliché, c'est une image qui est souvent utilisée, et puis on entend ça souvent, l'homme n'est rien, tout petit dans l'univers, etc. Ah, c'est absolument pas ce que ça m'évoque, hein. Que l'homme soit petit dans l'univers, bravo, tu vois, j'ai envie de dire, bon, on s'en fout. Je comprends, c'est bien de le sentir, mais je trouve ça plus profond encore de dire, mais c'est pas une question de l'homme petit dans l'immensité de l'univers. D'ailleurs, par rapport à l'univers, ça n'a aucun sens, petit, grand. C'est juste par rapport à l'homme, encore une fois. Alors, non, c'est pas par rapport à l'homme qu'il faut penser. C'est sans l'homme. C'est de montrer que c'est pas une histoire, c'est pas qui a un ailleurs. Bien sûr qu'il y en a ailleurs, c'est une évidence, ça. Les étoiles, oui, moi aussi, j'ai rêvé d'être un voyageur intergalactique, d'être en... si j'ai bien aimé quand j'étais enfant, regarder Star Wars, c'est pas Dark Vador et tout ça, en fait. Tant mieux, ok, c'était rigolo, mais c'est plutôt que, genre, kiffer, voyager, moi aussi, découvrir d'autres galaxies, et de penser qu'il y a un système avec plein d'espèces, tout un truc, des marchés, des plein d'aventures à vivre loin de la Terre où on s'emmerde un petit peu depuis le siècle dernier, j'ai l'impression. Bon, ça sent le renfermé un peu, ça sent le roussi, comme on dit. Très bien, mais ce qui me touche là-dedans, c'est pas cet ailleurs, c'est pas le lointain, c'est l'ici, mais c'est l'ici sans moi. Il s'agit pas de se savoir petit dans l'immensité de l'univers, il s'agit de se sentir absent et pourtant là. C'est ça que le but de cet épisode, ça va être de montrer que dans le travail de l'artiste, on va essayer de rester focalisé sur pas mal le travail de l'artiste, parce que il y a un grand cliché aussi. Quand je dis un grand cliché, c'est pas méprisant, ça veut pas dire, c'est une opinion débile, ça veut pas dire ça pour moi. Les clichés, j'en suis truffé de clichés tout le temps. Dès que je parle, il y a des raccourcis qui se font, des généralités, des choses qui ne sont que je juge évidentes et qui ne le sont pas et qu'il faudrait défaire pour pouvoir dire enfin quelque chose de un peu plus vrai et petit à petit est-ce qu'il faut pas se taire à un moment donné? Bon, on va pas aller vers là parce que là, on va en appeler à des choses. C'est pas une histoire de vrai, c'est qu'est-ce que ça dit de nous quand on dit quelque chose. Enfin bref, je m'égare. Un des clichés sur l'art, on en a déjà parlé d'ailleurs, la fuite dans l'art. Fuir le réel, fuir le quotidien pour aller dans l'art, pour penser, pour ceci, pour cela. Sous-entendu, on fuit le réel pour aller vers l'imaginaire. Jusque-là, on a envie de dire « Ouais, c'est exactement ça. » Bah moi, c'est pas du tout, et ça n'a jamais été comme ça que j'ai conçu ça. Non, on ne fuit pas le réel pour aller vers l'imaginaire. Il y a peut-être des gens qui fuient quelque chose pour aller vers un ailleurs imaginaire. Ils préfèrent penser à un monde avec des lutins ou des bisounours plutôt que de regarder la télé et de travailler à l'usine et tout ça. Mais moi, ce que j'ai toujours vu, c'est non, on fuit justement l'imaginaire, la représentation, comme disait Clarins dans « La vie est un songe ». On fuit la mascarade. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? On fuit un imaginaire pour non pas fuir vers un autre réel, vers un vrai réel. On fuit pas le monde, la société, les représentations, tout ça. On ne fuit pas la fiction vers un réel. On ne fuit pas le réel vers la fiction. Moi, je veux qu'on ne fuit pas, d'ailleurs. C'est pas nous qu'on fuit. C'est pas le poète qui se barre, qui se met comme dans... ou le philosophe, comme dans la peinture de Rembrandt, justement, le philosophe avec le type un peu vieux, sous l'escalier, à l'ombre, avec la fenêtre, tout ça. Non, on ne fuit pas le monde, on fuit pas la salle à manger, on fuit pas la rue. On fait fuir. Parce qu'on on sait que la vie en tant qu'homme ne nous satisfait pas pour penser quand on est un poète, un philosophe. C'est une question de nécessité. Mais on ne fuit pas à travers l'œuvre. Ça, c'est un point de vue de spectateur. C'est un point de vue de lecteur. C'est pas un point de vue d'artiste. Épouser le point de vue de l'artiste. Épouser le point de vue du philosophe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le philosophe, il fuit pas, ou le poète, ou le peintre ne fuit pas le monde, au sens le monde des hommes, pour peindre et s'évader. Ce serait un peu bizarre. Nous, oui, nous spectateurs, nous contemplateurs, oui, peut-être que c'est ce qu'on fait. Mais est-ce que c'est intéressant, ça, ce point de vue psychologique un peu égoïste ? Égoïste, pas au sens méchant du terme et méprisant, mais au sens c'est pour soi qu'on le fait. L'artiste et le penseur, eux, ils fabriquent quelque chose. Mais ils fabriquent pas une porte pour aller vers le réel, non. Ils fabriquent quelque chose, un réceptacle, pour que le réel fuit dedans. C'est ça qu'on va essayer de développer un petit peu dans cet épisode. Maintenant, je vais plus loin. En tout cas, j'essaie et je suis bien conscient que je laisse derrière moi des choses mal expliquées, mal vues, mal dites. Et je vous redis ce que je viens de dire. On est là, qu'on soit écrivain, poète, peintre, penseur, philosophe, musicien, c'est pas important. C'est pas le mot là, la catégorie à laquelle on appartiendrait, qui devrait nous intéresser maintenant. Bien sûr, il en faudra de la technique et un travail acharné d'écriture ou de peinture ou de ce que vous voulez. Pour faire découvrir des textes, mais là on essaie de réfléchir, on sait qu'il n'est pas question de trouver son style. La Proust nous dit que l'écriture c'est pas une histoire de trouver son style, il est question de fabriquer quelque chose. Il est question de fabriquer quelque chose à partir d'éléments qu'on connaît. Proust connaît la langue française. Il est question de rassembler ce qu'on connaît, la langue française, la peinture, les couleurs, une caméra, un micro, des instruments de musique, des connaissances en plein de choses. Et on n'oublie pas les années d'expérience, d'apprentissage, de toutes les difficultés d'apprentissage de toutes ces choses. Ce que vous voulez, hein, je n'ai pas. Et puis, on parle des arts comme si on les avait tous trouvés, mais peut-être que, parce qu'on pense au sens et tout ça, mais il y a peut-être d'autres choses. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces choses qu'on est censé connaître, dont on aurait la technique, enfin nous en tout cas, ces artistes, l'artiste, il essaie de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant et qui n'est pas ce pourquoi il semble que cette connaissance, cette technique a été érigée, élaborée. Je m'explique. On parle du langage comme d'un moyen de communication ou de divertissement, pareil de la musique et des arts en général. Mais là, divertissement, émotion, vous savez, toutes ces choses, ce que vous voulez, c'est encore une fois un point de vue, c'est le point de vue du spectateur, de l'amateur d'art. Et il y a des beaux passages, il y a un beau passage auquel je repense, là je crois qu'il est dans Du côté de chez Swann d'ailleurs, c'est à propos de la petite phrase de Vinteuil, on reviendra plus tard là-dessus, peut-être dans un autre épisode, il y a des passages magnifiques de Proust de toute façon, ça c'est pas ce qui manque. Nous on veut se mettre à la place, pas du spectateur là, parce qu'on est spectateur, on sait très bien, c'est jamais très intéressant finalement, enfin ça peut être intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse en tout cas là maintenant, ce qu'on est capable de dire en tant que spectateur, on contemple, on vient de lire un livre, on a lu Proust justement, on est allé à une exposition, on a vu des tableaux tellement magnifiques de Bacon ou de Van Gogh ou de Rembrandt ou de quelqu'un d'autre. On peut émettre des opinions là-dessus, des impressions, il y en aura des plus belles, des plus complexes que d'autres, mais bon, j'ai aucune d'ailleurs ambition, prétention à la matière, je ne suis pas critique d'art, voilà, il y a des gens dont c'est le métier d'ailleurs, qui font ça bien sûrement. Nous, on va se mettre à la place de celui qui fait, de l'artiste, du penseur, de qui vous voulez. Finalement, là, pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est qui l'artiste, le penseur, vous voyez ce que je veux dire? Sa démarche à ce type-là, c'est de créer quelque chose de nouveau, avec des outils qui existent déjà. Et lui, il ne veut pas les utiliser tout à fait comme des outils. Je ne parle maintenant que de l'écriture, alors. Et je fabrique une image à mon tour pour faire passer le message. L'écrivain écrit non pas pour fuir le réel, non pas pour imaginer, il écrit pour que fuit dans ce qu'il écrit une part de réel, un substrat, un je ne sais quoi du monde du réel. On ne sait pas encore ce que c'est, mais si ça doit passer par des sophistications, du récit, des personnages, peu importe pour lui, l'écrivain, d'imaginer un personnage comme une personne fictive, vous voyez, c'est pas ça. Nous, ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on veut voir l'écrivain comme quelqu'un qui est à la recherche finalement d'une sorte de sortilège. Je veux dire une phrase, un texte, on ne sait pas, du texte qui produit quelque chose, qui produit cette espèce de chose qu'on ignore encore, en tout cas qu'on n'arrive pas à définir. Ce moment, on ne sait pas trop. Un moment où on ne sait pas, le texte, l'écrivain arriverait à faire surgir dans ses pages une part de réel. Alors attention, dernière ligne droite, respirez un bon coup, j'espère que je ne vous emmerde pas trop. Donc, une phrase, un texte, quelque chose, une peinture finalement, qui produirait quelque chose. Bon, ce sortilège du réel, c'est-à-dire cette création de l'artiste, c'est une chose qui se produirait, on ne sait pas exactement où, ni quand, dans le texte, dans la peinture, vu, lu, exploré avec les yeux, mais des yeux artistes. Il nous faudrait regarder comme avec des yeux d'artiste, comme un artiste. Peut-être qu'il nous faudrait devenir artiste à notre tour pour comprendre vraiment ce que l'artiste a voulu faire, pour être à la hauteur de ce que l'artiste en tout cas nous présente, nous propose. Sortilège, parce que ce n'est pas une question de style. Vous pouvez peindre comme Van Gogh ou écrire comme Proust, tromper des lecteurs, des éditeurs, mais vous ne pourrez tromper l'artiste. Et il ne se produira pas ce sortilège du réel, là, cette chose, si vous ne faites que reproduire un style comme si c'était une seule question de disposition des mots dans la phrase, ou du choix des couleurs, ou la manière de représenter certains éléments figuratifs, donc sur une toile. Vous savez, ce sortilège, c'est cette formule qu'il faut prononcer, mais dont la formule seule ne contient pas tout ce qu'il faut. Il faudrait autre chose que la syntaxe. Il faudrait un asyntaxique, du non-syntaxique, qui serait supporté quand même par la syntaxe, mais qui viendrait d'autre chose. Sur la lecture, c'est un peu quand, en lisant plusieurs pages d'un roman, vous êtes époustouflé soudainement par une phrase. Vous lisez quelque chose, j'espère que ça vous est déjà arrivé, c'est une belle expérience, vous lisez quelque chose et puis vous butez sur la phrase, pas parce que vous la comprenez pas, mais parce que tout d'un coup c'est trop là, il faut s'arrêter parce que vous venez de lire quelque chose de fort. Mais ça n'est pas uniquement la formulation finalement de cette phrase qui vous a secoué, c'est peut-être tout ce que vous transportiez depuis plusieurs pages, et même ce qui est appelé dans les pages à venir, que vous n'avez pas encore lu, comme des possibles auxquels vous n'auriez pas pensé jusqu'alors. Nous, on ne se place pas, je ne me place pas là, aujourd'hui, dans ce numéro, dans le sentiment, dans l'émotion. Quand on lit nos grands écrivains, ou quand on regarde nos grands peintres, sans doute aussi, et qu'on fait une expérience un peu étrange, où on sent, et on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas ce qu'on sent même exactement, parce qu'il n'y aurait rien d'exprimé, parce qu'il n'y aurait... il y aurait juste une sensation, mais on ne saurait pas de quoi est cette sensation. Et c'est apparemment le travail du peintre, selon Beckett, de faire ça. Beckett dit dans les trois dialogues, il écrit « Restituer reproduit l'instant fugace de la sensation avec, pour contexte, le continuum que celle-ci a nourri. » Alors, Beckett nous dit là que le peintre a eu cette expérience avant de peindre, de cette espèce de, peut-être, d'effraction du réel, de vue de quelque chose de trop grand qui lui a un peu pété les mirettes, et que y a une marque, une empreinte qui nourrit le travail de reproduction. Alors, je ne voudrais pas vous faire croire que je sais, moi, Xavier, que l'écrivain ou le peintre exprime une chose qu'il a vue du monde ou de la nature. Je ne vais pas formuler cette prétention. Je ne peux que vous dire que c'est de ça dont le peintre ou l'écrivain se nourrit, semble-t-il. Et dans ce travail, il échoue. Il échoue et il se renouvelle. Il y est obligé, car dès que c'est juste reproduit, ça ne marche plus pour lui. Ça doit se refaire différemment. Beckett encore dit de Bram Van Velde, dans le même texte que je vous ai cité, les trois dialogues, dit de ce peintre, Bram Van Velde, qu'il est le premier à admettre qu'être artiste, c'est échouer comme nul autre n'ose échouer. Et donc que le peintre va reproduire, va répéter cet échec, mais dans cette répétition, il va se créer une différence, et c'est ça le travail de l'art. Ce serait ça le travail d'artiste. Bon, dans les textes de Gilles Deleuze, notamment dans Critique et Clinique, dont parfois je me sers. Il y a beaucoup de passages par rapport à la littérature, par rapport à ce travail de l'écrivain et la nature même du langage, par rapport à ce monde brut. Alors il cite Beckett qui parle de forer des trous dans le langage pour voir ou entendre ce qui est tapis derrière. Plus loin dans le premier chapitre, dans La littérature et la vie, il dit que écrire n'est certainement pas imposer une forme à une matière vécue. La littérature est plutôt du côté de l'informe, de l'inachèvement, et que écrire est une affaire de devenir, toujours inachevé, toujours en train de se faire, et qui déborde toute matière vivable ou vécue. Bon, rassurez-vous, c'est fini. On en aura fini, en tout cas pour longtemps, avec cette histoire des fractions du réel et de faire entrer le réel. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques et compagnie, le podcast est fait pour ça. Et vous tapez comme en passant sur Internet, émite entre guillemets, vous allez le trouver partout sur Twitter, Facebook, etc. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous trouvez que je fais fausse route, ou que c'est chiant ce genre de sujet, que là je vais un petit peu trop loin dans le côté barbant. Bon, moi c'est un sujet qui m'intéresse, ça me passionne pour des tas de raisons, et j'essaie de faire avancer un petit truc dans ma tête. Je le fais du coup sous forme de podcast, je le fais partager. Bien sûr, il y a des tonnes de textes sur ce sujet, mais qui ne disent pas exactement la même chose. Donc moi, mon interrogation moi-même, c'est, je me dis, est-ce que je tâtonne alors qu'en fait tout est déjà dans Deleuze, dans Proust, dans Beckett, et que là je suis simplement en train de montrer que je ne comprends pas ce que j'ai déjà lu, ou est-ce que ça vaut la peine en fait de continuer un petit peu, voilà. Puis peut-être que, comme tout ce que je fais depuis mes 30 ans est un peu testamentaire, peut-être que des extraterrestres tomberont sur ce podcast dans 10 millions d'années et trouveront le sujet vachement badass et vachement intéressant, et peut-être que les livres auront tous brûlé et qu'ils auront que mon podcast mais pas les textes de Deleuze et de Beckett. Non, mais bon, alors si vous voulez découvrir les prochains thèmes, sujets d'épisodes, alors les lectures, les textes, je les liste pas parce que c'est vraiment toute ma bibliothèque et là c'est prise de tête, mais par contre les sujets de réflexion, je les liste. Vous allez sur le blog du site quand en passant, et je mets liste des prochains sujets, etc. Il y en a peut-être que je vais abandonner, il y en a peut-être que je vais continuer. C'est aussi, ça dépend aussi de votre contribution, de votre motivation, et comme vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, je suis de plus en plus inquiet de ce silence, parce que bon, les gens qui écoutent depuis très longtemps, de temps en temps, en tout cas, je sais pas si ils sont super branchés, mais encore, des gens comme Zafeu, Cécile et Karine, dont je profite de ce moment pour les remercier, bien sûr, de leurs remarques et tout ça. Bon, eux, je sais un peu ce qu'ils pensent de certains sujets, mais vous, les autres, je ne sais pas, toi qui écoutes, je ne sais peut-être pas ton avis, ça m'intéresserait de le savoir. En tout cas, t'as peut-être Twitter, peut-être Facebook, peut-être un mail, voilà, ce genre de choses. Donc les prochains sujets de réflexion, j'en ai un nouveau là, il me trotte dans la tête, mais je le ferai peut-être pas cet été, hein. L'été c'est le soleil, la plage, se défaire de nos rages. Genre on va s'amuser. Non, mais en fait cet été je me dis aussi ce serait bien de faire des trucs un peu plus light. J'ai pas envie moi-même de me prendre trop la tête en ce moment parce que j'ai l'impression de faire que ça, donc là je tourne la tête à gauche, je vois toujours mon Witold Gombrowicz, Ferdi Durkheim. Je voudrais vous trouver là plusieurs textes un peu fun à faire en fait, à lire, dont on puisse faire des petites lectures un peu. Même L'homme qui rit, hein, c'est pas spécialement drôle, mais il y a un peu d'humour dedans et c'est agréable, je trouve, à lire. Donc Ferdi Durkheim, ça pourrait en faire partie, et j'essaie de trouver d'autres textes comme ça. Je trouverais ça cool de les faire. On arrive à pratiquement 39 minutes de podcast. Je trouve que c'est déjà un des épisodes les plus longs que j'ai fait, donc on va pas parler plus longtemps. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, lisez, dansez, riez, embrassez-vous, et puis aimez-vous aussi. Hein. Si vous savez ce que c'est que l'amour, n'hésitez pas à me le dire. Là, je sèche en ce moment. Allez, ciao. Et quant à moi, ça sera un bon week-end. Allez, à bientôt.